Salut tout le monde, vous êtes bien sur RIG, il est 20h passé de quelques secondes, une quinzaine de secondes. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Femmes Fortes numéro 647 sur RIG. Nous sommes le 17 septembre 2025. Oui, j'ai hésité sur septembre, non, c'est septembre. Et l'album de la semaine, c'est Snowbar. Oh zut, attendez, il y a quelqu'un qui va vous le dire mieux que moi parce que je vais avoir du mal à le dire. Attendez, on va faire un petit truc parce qu'on est entre nous, comme ça je mets le son à fond, je vais baisser la musique et voici le nom de l'album de la semaine. Snowa VCCR. Snowa VCCR. Voilà, vous avez compris, c'est donc l'album russe. L'album russe, que je ne répéterai pas dans toute la soirée parce que je ne vais pas arriver à le dire, de Paul McCartney, sorti d'abord en 1988 en vinyle seulement pour l'URSS à l'époque. Et j'ai cet album-là, qui vaut quelques sous, je me suis renseigné, c'est plus que je ne l'ai acheté. Et puis en 91, c'est ressorti en CD pour le reste du monde. Et c'est tant mieux parce que c'est un McCartney qui revient aux sources, qui se fait plaisir. L'album est enregistré très très rapidement. Et voilà, on réfléchit pas, on fait la musique qu'on aime et pof, c'est parti. On écoutera That's Alright Mama. Pourquoi j'ai Lucille là-bas? Bon, Lady Miss Claudie, 20 Flight Rock, Ain't That a Shame, Lucille, et Don't Get Around Much Anymore. Il y a du Harrison, Wawa, du Lennon, Blue Sweet Shoes, du Ringo Starr, Have You Seen My Baby, et des Beatles Boys. Pour le reste, vous verrez tout à l'heure. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Tonight. Johnny! enregistré en juillet 1987 à Londres en seulement 2 jours et demi. Exclusivement réservé en URSS en 1988, on parle bien du URSS à cette époque-là, par la firme Melodia, tirage limité réservé aux soviétiques, donc j'en ai un, devenu un disque classique et culte pour les collectionneurs. Le titre signifie également, littéralement, « Back in the USSR ». Ça va être plus facile à dire pour moi que « Snowba-Vey-Kukulupu-Nipi ». Bon. Particularité musicale, Paul est au chant, à la basse, au piano et à la batterie. Il y a des reprises brutes de classiques du rock'n'roll, des morceaux marquants. Lucille, 20 Flight Rock, That's Alright Mama et Don't Get Around Much Anymore. Réception et rareté, il circulait en import illégal en Occident, j'en ai un. Sortie mondiale officielle seulement en 1991 sous la forme d'un CD. Et pressage soviétique original très recherché, valeur élevée chez les collectionneurs. Anecdote amusante, surnommé l'album KGB. Paul l'a décrit comme un cadeau aux fans de l'Est, geste de diplomatie culturelle à l'époque de la perestroïka. La pochette originale est sobre, sans photo, de Paul McCartney. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album, surprenant et bien sympathique. Il me semble que la semaine dernière, on a écouté la version 2. Voici la version 1, celle que vous connaissez. Wawa, sur RG. seulement j'ai des auditeurs fidèles, mais j'ai des auditeurs qui écoutent vraiment. J'ai dit que la semaine dernière, on avait passé la version calme, la version de cette chanson-là, et que je passais celle-ci justement parce que la semaine dernière, on avait fait l'autre version. Et Yann me dit, non, c'était Isn't It a Pity, l'autre version. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je vous assure que quand j'ai fait la programmation, j'ai vu Wawa, j'ai dit, ah tiens, on a passé la Wawa lente, je vais passer la Wawa normale. Donc l'erreur vient de loin. Faudrait que je fasse gaffe, faudrait que je fasse un peu plus attention quand même, de temps en temps. Un petit live. Un petit live parce que il y a un album qui sort, le One to One Concert de John Lennon. Ça va être plutôt sympa. Ça nous fera une bonne vision de John Lennon en concert. Il y aura au moins deux albums. Celui-là, Live Peace in Toronto, et puis l'autre One to One. Il y en a un autre en 86, je sais. Sometime in New York City. Mais celui-là, le son est bien meilleur, celui qui va sortir. Je me comprends. Là, c'est du rock'n'roll. Blue Sweet Shoe par John Lennon et ses potes à Toronto en 1969. That we know, you know, because we've never played together before. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now. Down, tread on my face, sign up my name on the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off that shoe, don't you? For my blue suede shoe. You can do anything, lay off of that blue suede shoe.

L'album russe de Paul McCartney, c'est plus facile de le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cet album-là encore? Qu'est-ce que on pourrait rajouter? Donc, on va décider arbitrairement qu'il est sorti en 91, puisque là, c'est au niveau mondial. Ce ne sont que des vieux classiques des années 50, ceux qui avaient fait chavirer les tout jeunes Lennon et McCartney. McCartney les connaît par cœur, fatigué par les longues et studieuses séances de studio. Facile à dire, hein, longues et studieuses séances de studio qui ont prévalu à son travail depuis plusieurs années. Paul privilégie la spontanéité et la fraîcheur des prises rapides. En l'espace de même pas deux journées, il met en boîte 18 titres. De Cochrane à Little Richard en passant par Presley ou Fats Domino. Les chansons de ces pionniers n'ont plus aucun secret pour lui. Avec cette approche franche et même courageuse, McCartney évite l'écueil d'une comparaison hâtive avec l'album Rock'n'Roll de John Lennon, évidemment, le disque de reprise qu'il avait fait en 1975. Si ce dernier avait opté pour une mise en scène très orchestrée et parfois même surchargée, Paul a pris le contre-pied total de cette formule avec une formation minimale et des versions très proches des originaux. Il n'a pas cherché la surenchère. Débarrassé de toute graisse superflue, ses interprétations brillent avant tout par leur fièvre spontanée et une hargne sauvage et primitive. Un plaisir brut et sain transpire dans ses enregistrements raclés jusqu'à l'os, rêche et brut, humble jusque dans leur très révérencieuse fidélité. La seconde édition de l'album en Union soviétique avait déjà été enregistrée de deux titres, I'm Gonna Be a Will Someday et Summertime. On l'a écouté déjà, Summertime, il me semble. Mais bon nombre des face B des divers singles ont encore sont encore un album tribute au King concocté par le New Musical Express avec une version décontractée de l'immortel It's Now or Never. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet. Choba BBCCP aurait mérité mieux que cette commercialisation hyper confidentielle, mais McCartney n'en souhaitait pas plus, craignant peut-être qu'un tel album puisse trahir une supposée crise de créativité. La suite qu'il allait lui donner allait démontrer qu'il n'en était rien. Et loin de là, en attendant, ce florilège de rock vintage mérite toujours mieux qu'un simple détour. C'est un album habité par certaines passions, hanté par les fantômes des pionniers du rock auxquels McCartney, qui n'a jamais oublié ce qu'il leur doit, rend de nouveau hommage avec cet album-là, l'album russe, l'album KGB. Là, c'est la version 2025. bien sûr, ce sont des versions sorties un petit peu avant. Hein, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que lorsqu'on aura le CD en main, le son sera peut-être encore meilleur. Celui-là, on l'a le CD. C'est Let It Be. I've got a feeling sur RG. I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. That's right. I can't hide, oh no, no, oh no, oh no, yeah, yeah, I'm gonna be like, yeah, oh please believe me, I'd hate to miss the train. Jeter un petit peu d'huile sur le feu. On nous a présenté cette chanson en disant « Waouh, prouesse technique, fabuleux, génial, on a réussi à isoler la voix de John Lennon. » Et comme ça, Paul McCartney peut chanter en live, en concert, avec John Lennon pour la première fois au monde. Alors oui, si on parle de Paul McCartney qui chante pour la première fois au monde avec John Lennon en live, c'est vrai. Mais la méthode date d'il y a un peu plus longtemps, puisque j'ai le souvenir début des années 90, fin des années 80 probablement. Vous savez que mon deuxième groupe préféré, ce sont les Bee Gees. Et les Bee Gees avaient perdu leur frère Andy Gibb, qui n'a pas fait partie des Bee Gees, il aurait dû. Mais ça n'a pas été le cas, il est parti en 1988. Et ils ont rendu hommage à leur frère, qui est parti à peine 30 ans, en chantant une chanson que eux avaient chantée et que lui avait reprise. Donc, on entend au départ Barry qui chante, puis il laisse la place à Andy, qu'on voit sur, ça se voit sur YouTube quelque part, qu'on voit apparaître à l'écran, et il chante, et à ce moment-là, les trois Bee Gees qui sont sur scène ne deviennent que les accompagnateurs, comme ils l'ont fait pour Céline Dion avec Immortality, par exemple. Donc, ça existait déjà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, on peut jouer sur les mots. Oui, c'est la première fois que Paul McCartney chantait une chanson en live avec John Lennon sur scène en vrai. ce serait bien que ça sorte un jour, ce disque-là. Harris on Tour, ça date de 1974, mais là, c'est la version live, lors de son live aux États-Unis de cette année-là. Et bon, il y a quelques chansons, il avait fait une reprise de In My Life que je n'avais pas trouvé extraordinaire, mais en fait, son excuse, c'est qu'il avait une voix complètement rock, il était enrhumé. Et donc c'était un mauvais live. Heureusement qu'il s'est rattrapé en 91 avec son ami Eric Clapton qui 92 qui a accepté de d'emmener toute son équipe à lui au Japon avec Harrison pour pouvoir faire un public correct, propre, voilà. Oh, Twin Flight Rock sur RG. Dance on a Saturday night, all alone, riding hold her tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, two, light, three, light, four, five, six, seven, light, eight, light, four. I won't twirl, I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. Get to the top, I'm too tired to fly. Well, she called me up on the telephone. Oh, no, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm a baby aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, four. I'm on the world, I'm starting to say, 15 to 4, I'm ready to play. Get to the top, I'm too tired to rock. I'm used to stairs. I hope they heard me before it's too late. You know, I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cup straight, don't lose it. But I'm all for two, right, three, right, four, five, six, seven, right, eight, right, four. I'm from the 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to play. I get to the top, and I'm too tired to roll. Extrait de l'album de la semaine, c'est 20 Flight Rock sur RIG. Je vous propose d'écouter la deuxième version, la version Real Love de 2025. Comme d'habitude, je vous dis, c'est une version quasiment définitive, mais un peu en avance. circuler, écouter au casque. Il y a des petits changements, on dirait, notamment dans les contre-champs. Quand ils partent, comme ça, j'ai l'impression que ça fait alors que j'avais l'impression que ça ne le faisait pas avant. À voir, il faudra que je leur écoute fort au casque, et puis de toute façon, on attendra la version finale pour voir si c'est clair comme tout. Et de toute façon, les amis, prenez ces deux chansons-là que vous allez avoir dans le quatrième disque de la Beatles Anthology. Prenez ça comme on a pris en son temps la version de Let It Be Naked. C'est un petit plaisir supplémentaire pour les fans, mais l'histoire retiendra que Real Love est sorti en 1995 et nous a fait tous pleurer, et que, non pas Real Love, Free as a Bird est sorti en 95 et nous a fait tous pleurer, et Real Love est sorti un an plus tard, en 96, et nous avait fait peut-être moins pleurer, mais nous a laissé nostalgiques. Ça, c'est pour l'anniversaire d'une très bonne copine qui s'appelle Florence. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bisous, Florence. enregistré en single en 1972, mais sorti en 74 en bonus. C'était Back Off Boogaloo, de chanson qu'aurait composée Ringo tout seul. Écoutez ça. Rappelez-vous, c'était avant que ça sorte. C'était les premières versions qui apparaissaient sur le net, celles qu'on pensait être définitives. C'est pour ça qu'il faut se méfier parfois. Mais j'avais envie de vous la repasser. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment un internaute a pu se procurer les bandes et puis se débrouiller pour faire un truc qui sonne un peu comme les Beatles en 69? Ça n'a pas été le résultat final, vous avez bien retenu. Mais à l'époque, moi j'aimais bien. J'avais envie de le réentendre. On écoutera la version de Now and Then, puisqu'on fait toujours les trois ensemble, juste après cet extrait de l'album de la semaine. You made me cry when you said goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? McCartney va également reprendre cette chanson pour son album Trip in the Life Fantastic, la grande tournée de 1989, qui sera un vrai plaisir. C'est là la première fois que j'avais vu Paul McCartney en concert, et je vous assure que j'en étais sorti à faune et totalement complètement dingue d'avoir vu Paul McCartney en vrai. C'est génial. Revoici Now and Then dans la version que nous connaissons de 2025. One, two. En 1974, lorsque John Lennon a eu un nouveau numéro 1, enfin, le numéro 1 avec... oh, t'es donc ce soir. C'est quoi déjà le numéro 1 de 74 avec Elton John? Lorsqu'il lui avait dit cette chanson sera numéro 1, et puisqu'elle sera numéro 1, tu viendras chanter avec moi en live au Madison Square Garden, je crois. Il a tenu parole, John Lennon. Il est venu en live. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il a chanté Lucy in the Sky with Diamonds avec Elton John. Il a chanté la chanson qui ne me revient pas avec Elton John. Et puis, il a dit à un moment donné, je voudrais vous chanter une chanson d'une vieille fiancée à moi qui s'appelait Paul. Et c'est la seule et unique interprétation de I Saw Her Standing There par John Lennon. Et c'est sur RG. Elton John et la chanson qui lui avait permis d'avoir à nouveau un numéro 1, c'est Whatever Gets You Through the Night. Il fallait que je me concentre un peu. face B. La face B en 1975, extrait des sessions de l'album Rock'n'Roll de John Lennon. Je vous propose à nouveau l'album de la semaine, la chanson Lucille, par deux fois. On va écouter d'abord la version brute, celle de l'album, et puis la version du concert Last Flight à Glasgow. Totalement électrique, totalement différente, totalement plus puissante. Et j'aime les deux. J'aime le côté sobre et le côté à fond. Voici Lucille par deux fois, par Paul McCartney. Don't you think? Don't do your sins away. the shoe was not in sight. Had my feeling about it, but only lip was tight. The CEO, baby, standing by my home. I'm speaking to you, man. We don't even go. This morning, the sea was not in sight. And my friends are funny, but I'm only lippin' tight. The sea, he's not bad where you belong. I don't believe it. I'm speaking to you, man. Wrong, doing it all wrong. Come on. Make it. lorsque cette chanson est sortie en l'an 2000, il me semble, on attendait un nouvel album de la part de George Harrison et on s'est dit, waouh, ça va faire partie de l'album de George Harrison et c'est bien. Eh bien, non. Lorsque sortira Brainwashed, il ne figurera pas sur cet album-là, mais il figure sur un album de son pote Jules Holland. Et c'est bien, c'est une des dernières chansons du temps de George Harrison, et ça vaut le coup. Voilà ce que je voulais dire. On reste dans le rock and roll avec les Beatles cette fois-ci. Kansas City, hey, hey, hey, hey, sur RG 90.7, la radio rock and roll le soir. Tout à l'heure, à 22h, on dira bonjour, bonjour, bonjour à Eric et son étonnante émission Johnny de A à Z. Quel sera le thème, Eric ? Johnny en 1962 aux USA. C'était 2 ans avant ma naissance. Johnny en 1962 aux USA. On verra ça tout à l'heure. Nous en sommes à la... Ben, on est en retard. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo et George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières séparées. Je vais essayer d'aller un peu plus vite alors. Et là, c'est un truc qu'on vous a trouvé sur le net, plutôt sympa. C'est un groupe qui s'appelle Quit... Je sais pas trop comment le prononcer. Quittles and Bean. Et il nous chante, en gros, la chanson Revolution, telle qu'aurait pu l'interpréter Queen. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. only for people with minds that hail. All I can tell you is, brother, you lost the way. But you know it's gonna be Quetzals and Beans sur RG dans la saga des Fab Four, numéro 647. Tout à l'heure, ça va être Eric et Johnny de A à Z, avec pour thème Johnny en 1962. Sous-entendu, 2 ans avant la naissance de l'animateur de la saga des Fab Four. Mais ça, il l'a pas écrit sur sa playlist, Eric. C'est pas grave, hystérique. Tiens, je l'ai pas fait exprès. Bon. Donc c'est une petite blague entre nous, ça n'a rien à voir. Une autre petite cover. Bon, j'ai décidé aujourd'hui, c'est rock and roll. On fait ce qu'on veut. Mais j'adore cette façon de reprendre la chanson. Il s'appelle Bachman. Et il reprend une chanson de George. Il s'appelle Randy Bachman. Voici I Need You. We'll extrait de l'album de la semaine. C'est Paul McCartney et Don't Get Around Much Anymore. Without you, don't musique. On a encore le temps d'en passer deux ou trois. Voici maintenant Ringo Starr en 81. You Belong to Me en 92. See the pyramids across the Nile. See the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling. Non, ça c'est la, celle d'après 92. Celle-là c'est 81. J'ai tout compris. See the jungle when it's wet with rain. See the ocean from a silver plain. Just remember till you're home. Emmêlé dans mes fiches, celle-là c'est de 81, celle-ci c'est un single en 92. appris, on soigne son entrée, on soigne son départ. Alors je soigne mon départ de l'émission avec All Shook Up sur RIG. Toutes et vous tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une saga des Fab Four, sûrement moins rock'n'roll, mais celle-ci était bien quand même. Allez, je vous laisse en compagnie de l'excellent, le fantastique Eric. À très bientôt. Ciao.